sans motif. On vit dans un monde bizarre où les gens s'envient constamment, tellement ça craint sur terre. On texte peut-être mon testament. Désolé, j'écris pas de trucs trop, j'aimerais arrêter qu'on se lamente. Mais après 5 verres entièrement, mon cerveau est à l'enterrement. Je vais rentrer tardement, comme d'hab, je te dis pas ce que je fais. De toute façon, tu le sais déjà et tu pourras pas me refaire. Un coup de Voltaire. Ouais, j'arrive, c'est terre-terre. Ouais, putain, Spin, tu casses les couilles toujours en retard. Tu me connais, j'ai des soucis, certains m'appellent pour le commérage. Quand je suis là, on me connaît, hop, avec le temps, ils me mettent la rage. Bref, c'est déplaisant le paysage, y'a trop de rondes de chemise. Rien d'intéressant dans les réçois, on se défonce de suite. Dans nos soirées, on fait pas les beaux avec des putes en street. Au mieux, on squatte un pub, on pillave et on se tire. En gros, nique leur mère, nique les rumeurs. On est des gouères et on t'en fout une heure. Eh Nivek, en descente, j'compte pas sur la chaleur humaine. En tant que Chris, si t'es un frère, tu me suis tout à l'heure si tu m'aimes. Si t'es môme, par moment, commence par bosser sur toi-même. Frérot, j'te le dis, le rap français, c'est vrai, ça fait, c'est sur toi-même. Eh Mino, en descente, j'compte pas sur la chaleur humaine. En tant que Chris, si t'es un frère, tu me suis tout à l'heure si tu m'aimes. Si t'es môme, par moment, commence par bosser sur toi-même. Frérot, j'te le dis, le rap français, c'est vrai, ça fait, c'est sur toi-même. Très franchement, que nos parents pardonnent notre ingratitude. On est des rats et chez trop de gens voudraient qu'à attitude. Je me sous-estime. Par peur de la chute car je rêve d'y arriver. Dans le rap ça se tire dans les pattes mais y'a que dalle dans le barillet. Désolé, si je défonce la prendre ainsi. J'assiste quand je demande à la chance qu'elle me fasse un signe. J'enseigne rien, si c'était l'art d'être indépendant. Nous lèche pas le cuvis là, on en demande pendant. Y'a ceux qui se prennent pas pour de la merde, bien que leur avenir soit incertain. Une merde a plus de mérite à se taper cette bête d'intestin. Tu m'entendras jamais dire que j'ai la prostitue. Je lâche pas de billets pour un feat, moi je suis pas de ceux qui se prostituent. Aussi dur que ça puisse paraître, c'était juste une parenthèse. Et si les gosses partent en couille, c'est tout simplement car les parents se testent. Même si mon espoir est ici, mais putain qui peut dire qu'il en a pas marre d'être ici. Et Nivek, en descente, j'compte pas sur la chaleur humaine. En tant que Chris, si t'es un frère, tu me suis tout à l'heure si tu m'aimes. Si t'es môme, par moment, commence par bosser sur toi-même. Frérot, j'te le dis, le rap français, c'est vrai, ça fait, c'est sur Wallet. Et Mino, en descente, j'compte pas sur la chaleur humaine. En tant que Chris, si t'es un frère, tu me suis tout à l'heure si tu m'aimes. Si t'es môme, par moment, commence par bosser sur toi-même. Frérot, j'te dis, le rap français, c'est vrai, ça fait, c'est sur Wallet. J'donne du mien pour réussir, alors ne me traite pas d'égoïste. J'suis qu'un petit franchouillard, t'aurais pu me voir dans les choristes. Une fois de plus, j'viens te répéter que je suis aigri par la solitude. Que je j'toite seul au stud à rappeler mon ratage d'études. Dédit, casse à ceux qui avancent toujours dans le brouillard. Dites à ceux qui me comprennent pas que je prends l'instru comme des fouloirs. Sérieux, j'ai comme une impression que le mal de vivre persiste. À faire la guerre, j'crois qu'autour de moi les bonnes choses périssent. Tout pour déplaire, je le déclare, attiré par les réverbères. Trop de mecs du père, veulent le coup d'éclat, qu'éclate les éclairs. Tu veux des tâches, tu gambauches plus, nous ça s'appelle les acérites. Ou bousille-toi dans le bâtiment, tire des câbles et monte des briques. J'ai des soucis, mais je peux marcher la tête haute. Difficile de marcher droit quand t'as la tête dans un étau. Trop de dépensiers pas possible, 20 euros par jour en texto. Trop de faux anges déguisés qui se font enfiler des sextoys. J'ai Nivek, en descente, j'compte pas sur la chaleur humaine. En tant que Chris, si t'es un frère, tu me suis tout à l'heure si tu m'aimes. Si t'es môme, par moment, commence par bosser sur toi-même. Frérot, j'te le dis, le rap français, c'est vrai, ça fait, c'est sur Wallet. Eh Mino, en descente, j'compte pas sur la chaleur humaine. En tant que Chris, si t'es un frère, tu me suis tout à l'heure si tu m'aimes. Si t'es môme, par moment, commence par bosser sur toi-même. Frérot, j'te dis, le rap français, c'est vrai, ça fait, c'est sur Wallet. Sans motif. Lusitania vibes. Ok.